بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, cette série de cours dans l'explication d'un livre très important, Ar-Risala, écrit par un des imams de cette communauté, l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Et donc vous avez à la deuxième page du manuel, à la deuxième page du livret, un espace consacré donc à l'auteur et au livre. On va commencer donc à noter bi'idhnillahi ta'ala. Et donc cet imam, c'est premièrement le faqih. Faqih, ce qui signifie dans la langue arabe, ce qui est voulu, donc c'est un savant dans la jurisprudence. Et c'est, il est connu comme étant le savant des gens du Maghreb à son époque. Ce qui est voulu par le savant des gens du Maghreb, c'est-à-dire la référence. La référence des gens du Maghreb à son époque. Son nom, c'est Abu Mohammed. Abu Mohammed Abdullah ibn Abi Zayd. Abu Mohammed Abdullah ibn Abi Zayd Al-Qayrawani Al-Maliki. Al-Qayrawani, c'est où? On a dit une référence des gens du Maghreb. Al-Qayrawani, c'est où ça? En Tunisie. En Tunisie. Et ça, c'est important. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'enseigner, ou ça me fait plaisir de réviser avec vous cet épître. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis venu ici à Martinique, un homme m'a dit, toi, dans tous les cas, tu t'es fait laver le cerveau par les savants du pétrole. Al-Qayrawani, il ne venait pas d'Arabie Saoudite. Comme ça, on ne pourra pas nous dire, bi'idhnillahi ta'ala, que ce qui est dans ce livre. Donc, c'est un livre wahhabiste ou autre, comme nom qu'on a pu me donner auparavant. Et donc, cet imam, c'est un imam qui vient du Maghreb. Et comme vous l'avez entendu, Maliki, c'est un imam du madhhab malikite. Encore une fois, on va me dire, oui, laver le cerveau, ou autre, à l'imam Ahmed, vous voyez que l'imam Ahmed. Pas du tout. Parfois, les gens ont des préjugés. Pour ceux qui ont assisté aux cours déjà, que ce soit les cours de jurisprudence ou autre, en général, vous entendez tous les imams. Ou du moins, vous entendez beaucoup d'imams en général. Que ce soit Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa et les autres. Parce que, alhamdoulilah, les imams nous apprennent à ne pas nous accrocher aveuglément aux êtres humains. Et donc, cet imam vient de Qayrawan, ou du moins il est mort à Qayrawan, et il était un des savants du madhhab malikite. Et d'ailleurs, on l'appelait Malik el-Asrar, ou el-Sarir, le petit Malik. Le petit Malik, tellement il maîtrisait le madhhab de l'imam Malik, et tellement il défendait ce madhhab. Il défendait la voix de l'imam Malik, rahimahullah. Mais maintenant, il y a une question qui se pose, barakallahu fikoum, c'est, comme on dit en arabe, hukmu et tamadhub. Le jugement qu'il y a dans le fait de prendre un madhhab. Le fait de se dire maliki, ou de se dire shafi'i, ou de se dire hanbali, ou de se dire hanafi. Hein? Est-ce que cela est permis? Est-ce que c'est permis en islam d'être un étudiant maliki? Alors, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit que si la personne elle a étudié ce madhhab, si la personne a étudié cette école de jurisprudence, et qu'elle voit que cette école-là, c'est l'école qui est la plus proche de la vérité, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle se dise Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou Hanafi, ou autre. À condition, ça c'est très important, à condition de ne pas suivre, aveuglément l'école en question, et de ne pas suivre les adeptes de cette école dans un sujet dans lequel ils contredisent la preuve. Ça veut dire que tu te dis Maliki, Mashallah, tu viens du Sénégal, tu viens du Maroc, tu viens d'Algérie, etc. Tous ces pays-là, majoritairement, c'est Malikiyoun. Il n'y a pas de mal. Par contre, s'il y a un sujet dans lequel le madhhab de l'imam Malik, les adeptes se sont trompés, et que tu vois que il s'oppose clairement au texte du Coran ou de la Sunna dans un sujet spécifique, alors là, tu ne dois pas suivre. Tu ne dois pas suivre. Pourquoi ? Parce qu'il nous a été ordonné de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, rahimahullah, il disait une parole qui est très importante. « Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr » Tous nous pouvons prendre sa parole ou la rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'imam Malik lui-même, il nous montre qu'on ne peut pas le suivre lui-même aveuglément. Et donc ça c'est important. Oui, tu peux te dire malikite, si tu as étudié cette école, etc. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu dois suivre aveuglément. C'est très important, barakallahu fikoum. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, donc surat Al-A'raf, alhamdulillah, pour faciliter les prises de notes, je vous donne le numéro, je vous donne la surat avec le numéro des versets. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez noter par la suite. Donc surat Al-A'raf, le verset 156 et 157, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Qala azabi usibu bihi man asha » ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل et mon châtiment il atteint qui je veux. Et ma miséricorde englobe toute chose. Ça, c'est ici-bas. La miséricorde, donc la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, englobe toute chose ici-bas. Et ensuite, concernant l'au-delà, il dit tabaraka wa ta'ala, alors je vais la prescrire de manière spécifique à ceux qui sont pieux, ceux qui s'acquittent de l'aumône et ceux qui croient en mes versets. Ceux qui suivent. Le messager, le prophète, illettré, celui qu'il trouve écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit, il a écrit sa miséricorde de manière spécifique dans l'au-delà à qui ? À ceux qui suivent le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tu ne peux pas suivre un homme de manière spécifique si cet homme n'est pas en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est très important, barakallahu fikoum. Ensuite, donc cet imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il maîtrisait l'école malikite et il a écrit beaucoup de livres. Et ce livre qu'on commence à étudier est un de ses livres les plus connus. Certains savants disent même que c'est son livre le plus connu, le plus répandu. L'imam al-Dhahabi, il dit à son sujet, كان من العلماء العاملين وكان غاية في علم الأصول. Il dit de lui l'imam al-Dhahabi que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani faisait partie des savants al-amilin, ceux qui œuvraient avec leur science. Il fait partie des savants qui œuvraient avec leur science. Et il était un exemple dans la science des fondements. Il était un exemple dans la science des fondements. La base. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on sache de qui on prend notre science. Et cet homme, rahimahullah, il est mort en l'an 389 de l'Hégire. 389 de l'Hégire. C'est tôt. Hein? Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas un wahhabiste. Hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est un wahhabiste. Hein? Parce que l'imam Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est né en quelle année? 1115 de l'Égypte. Donc il y en a un qui est né en 1115 de l'Égypte et il y en a un autre qui est mort en 389 de l'Égypte. Il y a beaucoup d'années entre les deux. Et donc c'est pour ça que barakallahu fikoum, dans ce livre, on va étudier la voie des gens de la sunna. On verra quelle était la voie donc des gens de la sunna. Et en délaissant ces mensonges qui ont été dits sur des imams de la communauté musulmane. Et ce livre, il l'a écrit pour quelle raison ? Il a écrit ce livre en réponse à une demande qui lui a été faite pour enseigner les obligations de la religion aux petits et aux grands. Ça veut dire qu'on en a tous besoin, les petits et les grands. On a besoin de savoir ce qui nous est obligatoire dans notre religion. Et donc il a cité dans ce livre ce qui est obligatoire à l'homme de connaître. Donc ce qui est obligatoire à l'homme de connaître, que ce soit dans la base de la religion, la aqida, ou dans la branche de la religion, tout ce qui fait partie donc de la jurisprudence. Et certaines personnes peuvent me dire, moi je ne suis pas un savant et je n'ai pas à connaître tout. Donc première chose, les frères, première chose, qu'est-ce qui nous est obligatoire de savoir ? Dans la science, il y a des choses, il y a des informations qu'il est obligatoire à tout un chacun de connaître. C'est ce qu'on va voir. Ce qui est obligatoire à tout un chacun de connaître. Et il y a des informations que si certaines personnes dans la communauté les connaissent, alors cela suffit. Alors cela suffit. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce qu'il t'est obligatoire à toi de connaître? C'est simple. Il t'est obligatoire de connaître tout ce qui te concerne. C'est-à-dire, tu es en âge de faire la prière, tu dois connaître les obligations concernant l'ablution, ce qui va rompre l'ablution. Tu dois connaître donc les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, ce qui est recommandé dans la prière, ce qui va annuler ta prière. Tu dois aussi connaître les règles du commerce, parce que tu vas inévitablement faire du commerce. Tu vas aller acheter en magasin. Hein? Surtout aujourd'hui, on nous propose divers moyens de paiement, payés en plusieurs fois sans frais, etc., etc. Il t'est important de connaître ce qui t'est permis dans le commerce ou pas, puisque dans tous les cas, tu vas aller acheter à manger, à boire, des vêtements, tu vas faire du commerce même si tu n'es pas commerçant. Et donc, il t'est important de connaître les règles du commerce afin de ne pas tomber dans un péché en achetant une voiture ou en achetant une maison ou en achetant une bouteille d'eau ou en vendant. Et donc tu dois connaître ça. Tu t'es marié, il faut que tu connaisses les règles du mariage, le droit de l'épouse, le droit des enfants, etc., etc. Tu dois apprendre tout ce qui te concerne afin de ne pas tomber dans des péchés. À la page numéro 3, donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, donc petit 1, chapitre relatif aux obligations religieuses concernant ce que doivent prononcer les langues et croire les cœurs. Et donc avant de lire la suite, moi personnellement, dans mon manuel à moi que j'ai, là, à la fin de ce titre, j'ai mis une parenthèse, entre parenthèses, j'ai mis petit 1. Pourquoi ? Parce que dans l'explication, je remarque petit 1, parce que l'explication qui suit concerne seulement le titre. Après, si vous voulez, vous mettez A ou Alif ou comme vous voulez, mais la parole que je vais vous citer, c'est une explication du titre seulement. Et ensuite, par la suite, on verra l'explication du reste. Et donc, on comprend de ce titre, Barakallahu fikoum, le titre du chapitre, que l'auteur, rahimahullah, il va aborder les obligations religieuses. Ça veut dire quoi, obligation religieuse ? C'est quoi une obligation dans la religion ? Une obligation dans la religion, c'est ce dont, si tu le fais, tu es récompensé, mais si tu le délaisses, tu mérites une punition, un châtiment. Et donc, les obligations religieuses, ça veut dire que dans ce chapitre qu'on va étudier en plusieurs jours, on va étudier ce qu'on n'a pas le droit de délaisser, les frères. Et que celui qui délaisse quoi que ce soit parmi ses obligations peut tomber dans une situation grave. Parce que ça peut même l'amener à sortir de l'islam, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, ce sont des obligations. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit dans son livre « Usul al-Sunnah », les fondements de la Sunnah, il dit « Wa min usul al-Sunnati al-lazima, allati man taraka minha khaslatan, lam yu'min biha falaysa min ahliha. » Il dit, il fait partie des fondements de la sunna. Des fondements des gens de la sunna et du groupe. Et donc, ces fondements dont celui qui ne délaisse qu'un seul d'entre eux, celui qui délaisse un seul fondement des gens de la sunna, alors ne fait pas partie des adeptes de la sunna. Et donc, les gens de la sunna réunissent en eux les fondements de la sunna. Et nous, on va apprendre quels sont les fondements de la sunna. Et donc ça, c'est un sujet important. Parce que souvent, donc on se dit, oui, les gens de la sunna, ahlu sunna wal jama'a, ahlu sunnati wal jama'a, ahlu sunnati. C'est quoi ahlu sunna wal jama'a? C'est quoi les gens de la sunna et du groupe? Quelle est leur croyance? Quels sont leurs fondements? Quelle était la croyance du prophète et des compagnons? Quel était leur fondement? C'est ce que l'auteur va nous montrer, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, parmi ses devoirs, il y a la foi dans le cœur et la prononciation par la langue, qu'Allah est une divinité unique. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Et donc, l'auteur, il commence son épître par le tawhid. Il commence son épître par l'unicité, qui est la plus grande des obligations. Si on vous demande quelle est la plus grande obligation en islam, la réponse c'est le tawhid, l'unicité, le fait d'adorer Allah seul. Ça c'est la plus grande base. Si tu délaisses ça, tu sors de l'islam. Celui qui va adorer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela le fait sortir de l'islam. Et donc ça c'est la plus grande obligation. Celle que tu dois avoir avec toi toute ta vie. Tu ne dois pas la délaisser. Et c'est pour ça que l'auteur, il commence par ce sujet. Al-Bukhari et Muslim, ils citent dans leurs recueils authentiques, selon Ibn Abbas, Rajallahu anhuma, qui dit, Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit « C'est ta'ti qawman min ahli al-kitab. » Tu vas aller voir des gens du livre. Des gens du livre. Lorsque tu vas arriver au Yémen, tu trouveras des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Alors, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est le fait d'attester que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est la première base en islam. Et c'est cette parole justement qui fait que la personne, elle rentre en islam. C'est la base. Dans une autre narration, il dit « An yuwahidullah ». La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est au fait d'unifier Allah. Et donc ça, c'est la base de la religion, c'est la base du prêche. Lorsque tu fais de la da'wah, lorsque tu veux prêcher les gens, c'est la première chose que tu dois regarder, c'est la base. Si dans cette base-là, il y a un problème, c'est là que tu dois te concentrer dès le début. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait tous les prophètes. Tous les prophètes ont commencé leur da'wah par le tawhid. C'est la voie des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 25, « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُعِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous lui fassions révélation qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors de moi, alors adorez-moi. Tous les messagers ont eu ce message, tous les messagers ont propagé ce message, c'est la base de l'islam. C'est la base de l'islam et c'est la voie de tous les prophètes. Tu veux suivre la voie des prophètes, tu dois donc appeler au tawhid, c'est la base. Il ne faut pas tomber dans le piège qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vas avoir certains, tous leurs cours, c'est des histoires, c'est ci, c'est ça. La base, c'est le tawhid. C'est ça la base. Et donc ça, c'est très important. Sourate An-Nisa, verset 25. On va vérifier ? On va vérifier la référence, Inch'Allah. Et donc celui qui délaisse cette parole de l'unicité, celui qui délaisse le tawhid, il se trouve dans une situation très grave. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset numéro 72, « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu al-nar, wa mali al-zalimin min ansar. » Il dit, tabaraka wa ta'ala, quiconque accorde un associé à Allah, donc quiconque va adorer autre que Allah, alors Allah lui interdit le paradis. Le verset numéro 72, Al-Ma'ida. Quiconque accorde un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Son refuge sera le feu. Et donc, barakallahu fikum, ce point est un point très important dans notre religion que nous ne devons pas négliger. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète, « Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, la in ashrakta liyahbatanna 'amaluk wa litakunanna min al-khasirin. » Surat Az-Zumar. Donc, Surat Az-Zumar, le verset 65. Le verset 65. Si tu accomplis du polythéisme, si tu adores autre que Allah, si tu fais du shirk, de l'association, layahbatanna 'amaluk, tes œuvres deviendront vaines. Allah dit ça à qui? Il dit ça à son prophète. Alors, que dire de nous? Que dire de nous? Il dit à son prophète, si tu accomplis de l'association, tes œuvres deviendront vaines. et tu feras partie des perdants. Et donc, on comprend quoi de cette première leçon, chers frères, puisqu'on va arrêter là, bismillah. On comprend quoi de cette première leçon, l'importance du tawhid en islam. L'importance de l'unicité, et que c'est la base. Dès qu'il y a des frères qui viennent pour se convertir, etc., c'est la première chose sur laquelle nous devons insister. C'est le tawhid. Le reste, tu vas apprendre petit à petit, etc. Mais la base que tu dois avoir pendant toute ta vie en islam, c'est le tawhid. Car ce sujet-là est le sujet que tu peux passer de la lumière à l'obscurité ou de l'obscurité à la lumière. C'est la différence entre un musulman et un non-musulman, entre un monothéiste et un polythéiste. Et donc ça, c'est très important, barakallahu fikoum. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, pour ce matin, inshallah ta'ala. On se retrouve cet après-midi pour la suite. Bi'idnillah, waffaqallahu al-jami' لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا. Je me suis trompé dans la référence. C'est l'Anbiya. J'ai dit 25. Ouais, c'est l'Anbiya. Inch'Allah, avec tous les téléphones qu'il y a dans la mosquée, la personne n'a encore. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. C'est le Nisa? Al-Anbiya. Voilà, c'est l'Anbiya. Donc, à noter, donc, ce verset-là, jazakumullah khairan, c'est surat Al-Anbiya. Verset 25, hein? Ok.